t'as vu. On vient me filmer comme Canal Plus. On me dit usable, t'abuses. Depuis tes max, toi gros, tu t'arrêtes plus. Je vais les séquestrer chez qui le savent. Si on monte chez toi, c'est pour la salle. Je ne peux pas tourner la page. On connaît les putes et les hommes. Un peu bénéf de tes côtes. Une équipe de Yen sur tes côtes. On s'applique, t'as vu comme c'est bro. On est obligé de resserrer les taux. Je vais manger ma solo au moins. Au final, j'ai tout payé. Je peux tes potos au moins. Tes max à crapauds embouteillés. Je m'amuse, t'as vu comme j'ai bois. J'attendais que le top départ. J'avais trace des vies dans les bois. Ils tordent n'importe quel bécane. Bisous les jaloux. Je maîtrise, je vous fais des tours. Je t'aime mon amour. Ce soir, je peux pas, je suis dans la street. Je m'en vais, je dois mettre des liasses de déco. Demain, je rase pas, je suis dans la street. Je m'en vais, je dois mettre des liasses de déco. Mais si je suis pas là, c'est que je fais de la moula. Dans ma tête, c'est tout noir. Je suis plus puni dans le couloir. On pourra pas te faire tout. Je m'en vais pas, je suis dans la street. Je m'en vais, je dois mettre des liasses de déco. Mais tu sais, t'as vu, je repars de plus belle. Que je la garde sous cloque comme belle. On part en sion. Donc laisse ton putain de tel. Ils connaissent quoi? On fixe les prix, rayons fixe les tarots. On était en galère, on est des dalleux. Passe ta profondeur emballée. Pay me, tell me, sinon c'est mort. Pas de pute à bord et on fuck les ports. Je viens sans escorte. Pétard neuf, fais des trous dans le corps. Je niquais ma vie pour toi. Apparemment t'arrêtes les balles comme Courtois. On te fera du sale, t'enverrais des potes à toi. Tu rêverais de me boire mais tu fais pas le poids. Je m'amuse, t'as vu comme j'ai bois. J'attendais qu'elle tape des pas. J'avais cross des bits dans les bois. Il tord n'importe quel bécane. Bisous les jaloux. Je maîtrise, je vous fais des tours. Je t'aime mon amour. Mais je suis obligé de vendre tous les jours. Ce soir je peux pas, je suis dans la street. Je m'en vais, je dois mettre des liasses de tête.